بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمرحبا بكم جميعا يا أيها الإخوة والأخوات dans cette première assise qui se veut être une assise de traduction approximative et résumée des propos de notre noble cher Salim Abu Anwar Salim ibn Abdillah ibn Omar Bamahraz, hafadahullah ta'ala, dans ses explications qu'il nous a fait l'honneur de nous octroyer concernant la risala, la poésie de Ibn Abi Daoud al-Sijistani rahimahullah, surnommée al-Ha'iyah, la poésie en Ha, avec la lettre Ha dans chacune de ses parties, c'est-à-dire dans chacun de ses vers. Le Cheikh hafadahullah ta'ala a mentionné que donc l'objet de ce cours est la poésie de Ibn Abi Daoud, le fils de Abu Daoud, qui est un imam noble connu pour sa précision dans le hadith, un des grands chouyours ayant enseigné dans la ville de Bagdad en Irak. Et sa kunya c'est Abu Bakr, et son nom est Abdullah. Il est le fils de Abu Daoud, celui qui a écrit le Sunan, le fameux Sunan d'Abu Daoud, l'auteur du Sunan d'Abu Daoud est son père. Donc l'auteur est le fils de cet auteur. L'auteur du poème est le fils de l'auteur du Sunan Abi Daoud. Il est donc Abu Bakr, Abdullah, Ibn Abi Daoud, dont le nom est Suleyman, Ibn al-Ash'ath, Ibn Ash'ath, pardon, As-Sijistani, Rahimahumullah. Et cette poésie a pour sujet la croyance des gens de la Sunna, des adeptes de la Sunna et du groupe, vis-à-vis de ce que l'on doit croire. Et il incombe aux musulmans d'avoir comme dogme le dogme musulman, c'est-à-dire que on se doit de façon obligatoire d'apprendre la croyance authentique, notamment dans les sujets dans lesquels il y a eu de grandes divergences entre les adeptes de la sunna et les adeptes des innovations, les innovateurs. Sachant que le Coran et la sunna, selon la compréhension des pieux prédécesseurs de cette communauté, ce sont les bases référentielles des adeptes de la sunna dans leur dogme, tandis que les innovateurs n'ont que les innovations et leurs interprétations fallacieuses. Cet imam, Ibn Abi Daoud al-Sijistani, est né en 230 de l'Égir. Et durant sa jeunesse, il voyagea énormément. Il voyagea afin d'apprendre le hadith, afin d'apprendre avec les uléma. Et il fut un des plus grands uléma qui résida dans la ville de Bagdad. Mais il se rendit à Bagdad, à Koufa, à Médine, à Mecca, en Égypte, et dans d'autres régions pour apprendre la science. Parmi ses professeurs, il y a l'imam At-Tusi. Et il a eu de nombreux professeurs, parmi eux Amr ibn Ali al-Fallas, Muhammad ibn Bashar, Muhammad ibn al-Khamis, et ibn al-Khamsi, et également son père, c'est-à-dire Abu Daoud, celui qui a écrit le Sunan d'Abi Daoud. Son père fait partie de ses enseignants. Et al-Khallal, qui est un imam de la Sunna, a fait référence à l'imam Ibn Abi Daoud en disant que c'était l'imam des gens de l'Irak à son époque. Et Al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah a fait référence à Ibn Abi Daoud en disant que c'était un faqih, c'était quelqu'un qui avait du fiqh, que c'était un savant et que c'était un grand mémorisateur. Et l'imam al-Dhahabi rahimahullah elle avait décrit comme étant une mère de science, et que certains parmi les savants du hadith avaient considéré que Ibn Abi Daoud avait surpassé son père dans la science. Et il est mort en 316 de l'Égir, rahimahullah. Et le nom de cette poésie, Al-Ha'iyah, elle est appelée ainsi car chacune des lettres qui finit les vers de cette poésie, chacun de ces vers se finit par la lettre Ha. Et cette épître, cette poésie, a reçu un grand accueil auprès des ulémas et des gens de science, étant donné que beaucoup de gens de science l'ont expliqué. Et elle fait une trentaine de vers. Et nous allons en aborder les cinq premiers vers aujourd'hui, bi'idhnillahi azawajal. Donc le premier vers étant Tamassak bihablillahi wa tabi'il huda. C'est-à-dire, cramponne-toi au câble d'Allah et suis la guidée, et ne sois pas un innovateur en espérant que tu obtiennes le succès. وَدِينْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّنِ اللَّتِي أَتَتْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ تَنْجُو وَتَرْبَحُ. Et pratique ta religion en te basant sur le livre d'Allah et les traditions prophétiques qui furent rapportées du messager d'Allah, tu seras alors sauvé et tu auras gagné. وَقُلْ غَيْرُ مَخْلُوقٍ كَلَامُ مَلِيكِنَا بِذَلِكَ دَانَ الْأَتْقِيَهُ وَأَفْصَحُ. Et dit, n'est pas créé la parole de notre roi. Telle fut la position des vertueux qui l'ont clairement exprimée. وَلَا تَكُ فِي الْقُرْآنِ بِالْوَقْفِ قَائِلًا كَمَا قَالَ أَتْبَعُ لِجَهْمٍ وَأَشْجَحُ. Et ne sois pas envers le Coran de la position de ceux qui se sont abstenus de prendre une position, comme l'ont fait certains suiveurs de Jahm qui ont causé leur perte. Ensuite, le dernier vers mentionne وَلَا تَقُولِ الْقُرْآنُ خَلْقًا قَرَأْتُهُ فَإِنَّ كَلَامَ اللَّهِ بِاللَّفْظِ يُوضَحُ. Et ne dis pas, lorsque je récite le Coran, ceci est créé, car certes la parole d'Allah est clarifiée par sa récitation. Ceci, ce sont les cinq vers que nous allons étudier aujourd'hui avec les explications que notre cher Salim Bamahrez nous a fait l'honneur de nous prodiguer il y a de cela quelques minutes dans l'appel téléphonique du dimanche. Donc le premier vers. Tamassak bihablillahi wa tabi'il huda. Cramponne-toi au câble d'Allah et suis la guidée. وَلَا تَكُوا بِدْعَيْنَ لَعَلَّكَ تُفْلِحُ. Et ne sois pas un innovateur en espérant que tu sois quelqu'un qui réussit, en espérant que tu obtiennes la réussite. Le cheikh Hafidhahullah Ta'ala a expliqué que ce vers mentionne l'obligation du cramponnement au Coran et à la Sunna, et la mise en garde contre le fait de se détourner du Coran et de la Sunna et de tomber dans les innovations. Cramponne-toi au câble d'Allah. Le câble d'Allah, ça vise le Coran. Il mentionna le verset de Surat Ali Imran, dont la traduction approximative du sens est la suivante: cramponnez-vous tous au câble d'Allah et ne vous divisez pas. Donc on doit se cramponner et s'accrocher fermement au câble d'Allah. Le câble d'Allah renvoie, cette expression renvoie au Coran, mais également à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Car la source de ta religion doit être le Coran et la sunna, la parole d'Allah et la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. وَاتَّبِعِ الْهُدَى. Et suis la guidée. La guidée, ça vise la sunna, mais également ceci englobe de façon générale le Coran et la Sunna. Et celui qui s'y cramponne sera bien guidé et ne s'égarera pas. Cependant, le cheikh a abordé un point important concernant al-hidayah, la guidance. Car la guidance est de deux. Une qui n'est détenue que par Allah tabaraka wa ta'ala, qui est la guidance de succès, du fait d'être quelqu'un qui accepte la vérité, qui s'y conforme. Et cette guidance-là n'est détenue que par Allah. Et la deuxième, c'est une guidée d'orientation, de clarification et d'explication. Et celle-là a été détenue par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah donc a affirmé que pour lui-même, subhanahu wa ta'ala, la guidance de tawfiq, la guidance de succès, de l'acceptation de la vérité, et a nié au prophète sallallahu alayhi wa sallam cette guidance-là. En effet, dans sa parole azza wa jal, dans le verset que le cheikh mentionna, dans la traduction approximative du sens est la suivante: certes, tu ne guides pas celui que tu aimes, mais Allah guide qui il veut. Donc la guidance qui fut niée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce fut la guidance de succès qui est détenue que par Allah tabaraka wa ta'ala. Et il mentionna le verset dont la traduction approximative du sens est la suivante: et il ne t'incombe pas de les guider. C'est-à-dire que leur guidance ne t'incombe pas. Cependant, Allah guide qui il veut. Donc le serviteur se doit d'implorer la guidance pour obtenir la guidance de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est pour cela qu'il nous fut ordonné de lire dans chacune des prières la sourate d'Al-Fatiha, dans laquelle on demande la guidance. Ihdina sirata al-mustaqim. Guide-nous dans le droit chemin. Et donc si tu es guidé, alors tu seras quelqu'un qui suit le Coran et la Sunna. Et il rapporta la dua qui fut mentionnée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui fut une dua qui fut utilisée et mentionnée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les croyants de façon générale. Et cette invocation du prophète alayhi salatu wa sallam fut rapportée par Ali ibn Abi Talib et rapportée dans le sahih de l'imam Muslim rahimahullah rahmatan wasa. Et donc dans cette dua, Il est mentionné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait: Oh Allah, je te demande la guidance ainsi que la rectitude. Donc la personne qui se voit octroyer la guidance et la rectitude, il sera sur le bien, sur la rectitude et la droiture, dans sa croyance, dans ses œuvres, jusqu'à quitter cette vie. Et le cramponnement au Coran et à la Sunna avec la compréhension des pieux prédécesseurs de cette communauté est la source du bonheur dans les deux vies, c'est-à-dire dans la vie d'ici-bas et dans la vie de l'au-delà. Et l'auteur a dit, Wala taku bidaya, ne sois pas un innovateur, la'allaka tuflihu, en espérant que tu réussisses. La réussite, c'est le fait d'obtenir le bonheur et le succès dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà, d'entrer au paradis. Et le cramponnement au Coran, à la Sunna et le fait de s'écarter des innovations, ceux-ci sont les paramètres à respecter pour rentrer dans la catégorie de ceux qui obtiendront le succès, qui réussiront et qui obtiendront le bonheur dans les deux demeures. Et le fait qu'il ait mentionné la'allaka, c'est-à-dire en espérant. C'est-à-dire en espérant que tu réussisses. Et la personne qui concrétise en lui-même le suivi et le cramponnement assidu au Coran et à la Sunna selon la compréhension des pieux prédécesseurs et s'écarte des innovations, se concrétisera le concernant la promesse d'Allah tabaraka wa ta'ala vis-à-vis de ses pieux serviteurs. Azza wa jal. Ensuite, dans le deuxième vers que le cheikh nous a expliqué, ودين بكتاب الله وسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. C'est-à-dire, et pratique ta religion en te basant sur le livre d'Allah et les traditions prophétiques venues du messager d'Allah, tu seras alors sauvé et tu auras gagné. Le fait de pratiquer, c'est-à-dire, c'est la forme d'un verbe qui est sur la forme impérative. C'est-à-dire, pratique ta religion, sois droit dans ta pratique religieuse et dans ta dévotion religieuse en agissant en conformité avec le Coran, ainsi que la sunna, en te conformant aux ordres qui y sont émis et en t'écartant des interdits qui y sont mentionnés. Suis le Coran et la sunna du dernier prophète et le meilleur des prophètes et des messagers, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a laissé sa communauté sur une voie claire et immaculée, dont la nuit est similaire à son jour, nul n'en dévie, c'est-à-dire nul ne s'en détourne sans qu'il ne soit voué à la destruction. Et Allah tabaraka wa ta'ala a mentionné dans le Coran al-Karim, dans le verset dont la traduction approximative du sens est la suivante: Et si vous parvient de ma part une quelconque guidance, alors quiconque suivra ma guidance, alors il ne s'égarera pas ni ne sera affligé. Donc le fait de se cramponner au Coran et à la Sunna est la source du bonheur et de la réussite dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Ensuite, il aborda le troisième vers qui aborde, sachant que le troisième, le quatrième et le cinquième vers, aborde le sujet de la fitna de Khalq al-Qur'an, c'est-à-dire la fitna qu'il y a eu de par la propagation des croyances des innovateurs vis-à-vis du Qur'an en prétendant que le Qur'an était créé et qui reniait le fait que Allah parle, qu'Allah a l'attribut de la parole. Donc le troisième vers, « وَقُلْ غَيْرُ مَخْلُوقٍ كَلَامُ مَلِيكِنَا بِذَلِكَ دَنَّ الْأَتْقِيَهُ وَأَفْصَحُ » c'est-à-dire, « Et dit, n'est pas créé la parole de notre roi » Telle fut la position des vertueux qui l'ont clairement exprimée. Donc l'attribut d'Al-Kalam, l'attribut de la parole, est un attribut divin. C'est-à-dire qu'Allah a l'attribut de la parole, il parle. Il parle à qui il veut, quand il veut, Azza wa Jal. Et le Coran est la parole d'Allah, fait partie de la parole d'Allah. Ses sens, ce sont des sens et des lettres. Et Allah s'est exprimé avec le Coran, et Jibril l'a entendu d'Allah, et l'a transmis au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui l'a transmis à la communauté musulmane. Et donc, lorsque Ibn Abi Daoud dit « Waqul » et dit, c'est-à-dire « Professe au toi le sunni, l'homme de la sunna, ou la sœur sur la sunna, en ayant comme croyance sincèrement que la parole d'Allah n'est pas créée, et que la parole d'Allah est incréée, et que donc que ceci ce soit ta croyance, vis-à-vis desquels tu n'as pas de doute, que tu crois fermement et que tu professes et que tu corrobores ouvertement et clairement. Et le fait qu'il ait dit Kalam ou Malikina, il y a ce qu'on appelle ici Al-Idafa, l'affiliation. L'affiliation de l'attribut de la parole à Allah. Et c'est une attribution à Allah en tant que Sifa, na'am, c'est-à-dire en tant qu'attribut qui est affirmé à Allah. Que ceci donc est un attribut d'Allah, faisant partie d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc l'attribut de la parole est un attribut divin et c'est un attribut d'essence. C'est un attribut d'essence dans un angle Et c'est également un attribut d'action. Ça, c'est un rajout de ma part. Et le Coran est la parole d'Allah. Et ce n'est pas la parole de qui que ce soit d'autre. Et donc, lorsqu'on en dit Kalamullah, c'est idafatu sifa lil mawsouf. C'est en tant que l'affirmation d'un attribut, l'affiliation d'un attribut à celui qui est décrit comme étant le détenteur de cet attribut. C'est-à-dire Allah tabaraka wa ta'ala. Et dans cette croyance-là, il y a eu une opposition ardente entre les adeptes de la Sunna et les Mu'tazilites, les Ash'arites et les Jahmites. Et les pieux ont clairement professé leur croyance et ouvertement professé leur croyance vis-à-vis du Coran, que le Coran est la parole d'Allah et que ce n'est pas une créature d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et ils l'ont professé clairement. Et ceci est notre croyance. Le fait de croire qu'Allah parle quand il veut. Et beaucoup se sont égarés dedans, notamment les Mu'tazilites. Et certains sont allés jusqu'à s'aggraver dans la situation, dans le sujet des noms et des attributs, jusqu'à affirmer des choses très très graves comme l'incarnation ou le panthéisme. Et donc la vérité, c'est que lorsque l'on dit Kalamullah, c'est l'affirmation d'un attribut à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah tabaraka wa ta'ala possède donc l'attribut de la parole, et c'est un attribut de perfection le concernant, et qui n'est pas un attribut similaire aux êtres humains. Et nous spécifions, nous disons qu'il est incréé, c'est-à-dire que cet attribut est incréé. Et c'est une réfutation aux gens ayant dit que le Coran était une créature, telle que professée par les Jahmites, et notamment les Mu'tazilites, ou les Asha'ira, qui ont eu des égarements divers, mais qui reviennent toujours au même principe. Sachant que les Jahmites, les Jahmiyyah, les adeptes de Jahm ibn Safwan, disent clairement que le Coran est créé. Ils ne disent pas que le Coran est la parole d'Allah. Et ils sont même allés jusqu'à essayer d'altérer le Coran, dans le sens où Allah a dit, وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. C'est-à-dire le verset dans lequel Allah a dit, et Allah s'est adressé distinctement à Moussa, c'est-à-dire qu'Allah a adressé la parole à Moussa, alayhi salatu wasalam. Ils ont falsifié le verset de manière à en changer les harakat, en prétendant que les harakat étaient à un endroit différent, afin de dire que c'était Moussa qui s'était adressé à Allah, cherchant par cela à corroborer et à soutenir leurs croyances déviantes et innovées. Et le Coran est donc la parole d'Allah, ce sont les propos tenus par Allah, les formulations émises par Allah, et les sens viennent d'Allah, et les lettres et les sons, yani, ce sont des lettres et des sons, c'est-à-dire qu'Allah a parlé réellement, s'est réellement exprimé avec le Coran. Et c'était quelque chose d'audible. Non. Et ceci vu la croyance des pieux, c'est-à-dire que la croyance dans laquelle nous professons et nous croyons que le Coran est la parole d'Allah incréée. Et ceci fut rapporté des pieux prédécesseurs à travers leurs ouvrages. Et ils ont été clairs dessus. Ils ont affirmé cela comme étant la vérité, ils ont affirmé cela comme étant leur dogme, et ils ont été clairs dessus. Donc le musulman se doit d'apprendre la croyance de l'islam, de la comprendre, à y avoir foi et d'être ferme dessus comme les pieux prédécesseurs de cette communauté l'ont été, inébranlables sur leurs convictions. Et les pieux donc ont été sans équivoque, c'est-à-dire qu'ils ont professé ça de façon explicitement, que ceci est leur croyance. Tu l'affirmes et tu y crois de façon inébranlable. Ensuite, le vers de poésie numéro 4, qui est l'avant-dernier vers de poésie que nous allons étudier aujourd'hui, bi-idhnillah. Le fait que Ibn Abi Daoud a dit وَلَا تَقُوا فِي الْقُرْآنِ بِالْوَقْفِ قَائِلًا كَمَا قَالَ أَتْبَاعٌ لِجِحْمٍ وَأَشْجَحُ. C'est-à-dire, et ne sois pas envers le Coran de ceux qui s'abstiennent, ne prenant pas position, comme l'ont dit les suiveurs de Jahm, et qui ont causé leur perte, ou plutôt qui se sont corrompus. Les Jahmites, dans une première étape, ont été clairs. Et ils ont dit que le Coran était créé et que le Coran n'était pas la parole d'Allah. Puis certains, parmi des individus yani contemporains à cette époque, sont venus avec le tawakkuf. C'est-à-dire qu'ils sont venus avec une position ambivalente, une position stationnaire, dans laquelle ils disaient, nous ne disons pas si le Coran est créé ou incréé. C'est-à-dire qu'ils s'abstiennent de prendre position et disent nous ne disons pas si le Coran est créé ou incréé. L'imam Ahmed ibn Hanbal rahimahullah a dit el waqifa jahmiyya, C'est-à-dire ceux qui s'abstiennent de prendre position, c'est-à-dire ceux qui disent, nous ne disons pas si le Coran est créé ou incréé, qui s'abstiennent de prendre position, c'est ceux qu'on appelle Al-Waqifa. L'imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah, a dit Al-Waqifa, ce sont des Jahmites. Et certains parmi les ulémas ont même avancé que ceux-là sont pires que les Jahmites. Parce que les Jahmites, au moins, eux, leur danger est clair et évident et explicite. Ils professent clairement leur croyance, qui est une croyance déviante et innovée. Tandis que les Waqifa corrompent les gens dans leur croyance et dans leur perception religieuse, et d'une manière qui est insidieuse. Et concernant la croyance de Jahm ibn Safwan qui a été propagée et qui a été répandue parmi les gens, qu'on appelait Jahmiyyah ou Jahmite, à la base, cette croyance vis-à-vis du Coran, qui est une croyance mécréante, innovée, vient de Jahm ibn Safwan qui l'a propagée. Et c'est pour ça qu'on a affilié le nom de ce groupuscule sectaire à cet individu par le nom Jahmiyyah, les Jahmites, les adeptes de Jahm. Mais cet individu a appris cette croyance-là de Dja'ad ibn Dirham, qui lui l'a appris de Aban ibn Sam'an, qui l'a appris cela de Talut, qui était le fils de la sœur de l'Abid ibn al-Arsam, qui est un membre de la communauté juive qui avait ensorcelé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et qui lui-même avait pris cette croyance des Bani Israël qui étaient au Yémen. Sachant que les Bani Israël qui sont du Yémen, parmi eux, il y a celui qui fut l'ancêtre, entre guillemets, ou l'initiateur de la voie des Rafida. Ensuite, nous abordons le dernier vers de poésie, bi'idhnillahi azzawajal, dans notre cours d'aujourd'hui, qui aborde toujours les sectaires qui se sont égarés dans le sujet du Coran. ولا تقل القرآن خلقا قرأته فإن كلام الله باللفظ يوضح. Et ne dis pas, lorsque je récite le Coran, ceci est créé. Certes, car certes, la parole d'Allah est clarifiée par sa récitation. Ça, c'est ce qu'on appelle al-lafdhiyya, al-jahmiyatu al-lafdhiyya. Ce sont ceux qui ont dit lafdhi bil-Qur'an makhluq. C'est-à-dire, ce sont ceux qui ont utilisé un propos ambivalent et équivoque dans le sujet du Coran. Et donc l'imam Ibn Abi Daoud As-Sistani dit, ne sois pas de cela. Car ces gens-là disent, lorsque je récite le Coran, ceci est créé. Ils cherchent à créer une ambivalence entre deux éléments. Car dans ces circonstances, lors de la récitation du Coran, deux choses dont le jugement est distinct sont mêlées. C'est-à-dire, il y a quelque chose de créé dans cette affaire, il y a quelque chose d'incréé dans cette affaire. C'est-à-dire que lorsque la personne récite le Coran, l'action qu'il fait de réciter, c'est-à-dire le fait de remuer sa langue, de bouger sa cavité buccale, d'utiliser ses poumons, son action de la récitation du Coran, c'est quelque chose de créé, car Allah est le créateur des serviteurs ainsi que ce qu'ils font. Donc les actes des serviteurs sont créés. Mais ce qu'il récite, c'est-à-dire le Coran, est incréé. Mais en utilisant une expression équivoque, floue, confuse, qui n'est pas claire, telle que lorsque je récite le Coran, ceci est créé. C'est une parole ambivalente et équivoque par laquelle on cherche le faux. Parce que lorsque l'on dit créer, qu'est-ce qu'ils vont viser? Ça crée une confusion. Et c'est pour ça, parce que si la personne vise le Coran, c'est un dalal, c'est un égarement. S'il dit que ceci est créé, yani, est créé. Car s'il vise le Coran, ceci est un égarement. Par contre, s'il visait ses actes, c'est autre chose. Car les actes des serviteurs sont créés. Et c'est pour ça que l'imam Ahmed a dit, quiconque dit, lorsque je récite le Coran, ceci est créé, est un Jahmite. Et celui qui dit incréé était alors un innovateur. Non. Car dans le sens où si la personne dit incréé, ceci peut être en rapport avec les actes. Et ceci est une innovation de renier la création des actes des serviteurs. Donc c'est un propos ambivalent, équivoque, ambigu. Car dans une même circonstance sont mêlées deux choses dont le jugement est distinct. Les actes, c'est-à-dire l'acte de la récitation, qui sont créés, et le Coran qui est récité, qui est l'objet de l'acte, et le Coran qui est donc lui incréé. Et c'est pour ça que les ulémas disaient, et Cheikh Salim Mahrez l'a mentionné dans le cours qu'il nous a donné il y a de cela quelques minutes, il avait dit As-sawtu sawtul qari wal kalamu kalamul bari. C'est-à-dire As-sawt, la voix. Sautul Qari est la voix du récitateur, ou al-kalam, mais la parole qui est récitée Kalam al-Bari, c'est la parole du créateur, c'est-à-dire la parole d'Allah. Donc faisant distinction entre l'acte du serviteur qui lui est créé et la parole du Seigneur de l'univers qui est récitée, mais dont la parole est incréée. Azzawajal. Et donc, il faut impérativement faire du détail. On ne peut pas utiliser ce genre de parole équivoque, car les innovateurs s'en servent pour justement placer le dalal, placer, pouvoir propager leur innovation et leurs égarements parmi les gens. Donc on doit détailler en disant que les actes des serviteurs sont créés et que le Coran est incréé et que lorsque les serviteurs font l'action de réciter le Coran, leur acte de réciter est créé et ce qu'ils récitent est incréé. Et l'imam Ahmed, rahimahullah, comme le cheikh l'a mentionné, a expliqué que le Coran est incréé, quelle qu'en soit l'interaction que l'on a avec. C'est-à-dire qu'il soit mémorisé dans les poitrines, ou inscrit dans les lignes, ou récité par les langues, ou entendu par les oreilles, le Coran est incréé. Et donc le Coran est la parole d'Allah dans ses formulations et ses sens. Puis le cheikh, hafidhahullah, a récité les vers de poésie, de la suite de la poésie, mais ce ne sont des vers qu'il n'a pas expliqués. Ce sont des vers qui font référence, par exemple, entre autres, au fait que les serviteurs d'Allah verront Allah dans l'au-delà, tabaraka wa ta'ala. Ils le verront distinctement, de façon claire. Et ceci sera étudié et abordé par le cheikh, insha'Allahu ta'ala, dans l'assise que nous aurons la semaine prochaine. Je m'en vais à présent traduire, de façon résumée et approximative, les quelques questions-réponses que nous avons eu l'honneur d'avoir avec le cheikh, suite à ce cours qu'il nous a octroyé aujourd'hui. Donc la première question est une question relative à la situation française qui est, j'ai questionné le cheikh concernant le fait que dans notre pays, à savoir la France, lorsque nous rentrons dans les marchés et que nous achetons des nourritures ou des boissons, tout ce que nous achetons, il y a des images dessus. C'est-à-dire qu'il y a des boîtes, des emballages sur lesquels il y a des images, il y en a d'êtres animés, dotés d'âme. Donc quoi que nous achetions, jusqu'au même le sac, il y a des images d'êtres, de créatures dotées d'âme dessus. Et nous faisons rentrer nos courses au sein de nos demeures. Nous faisons rentrer nos courses au sein de nos demeures. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que les anges ne rentrent pas dans une demeure dans laquelle il se trouve des images. Alors quel est le jugement de notre acte? Et quelle est votre recommandation à notre égard, sachant que le fait d'effacer toutes ces images serait une difficulté et quelque chose de pénible et difficile à accomplir pour nous? Le cheikh hafidhahullah ta'ala a expliqué que les gens de science ont dit que ce genre de situation, ce genre de circonstances font partie de ce qui touche tout le monde. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est à laquelle personne ne peut échapper à de nos jours, c'est-à-dire que ceci concerne tout le monde. Et ces images-là ne sont pas honorées en elles-mêmes, elles ne sont pas suspendues sur les murs, etc. C'est-à-dire que le cheikh explique qu'elles sont humiliées. Le cheikh a expliqué qu'elles sont humiliées, et elles sont jetées par terre, etc. Ce genre d'image, tu en es pardonné, tu utilises ces boîtes et tu utilises ces emballages sur lesquels il y a des images, et quand tu as fini de les utiliser, c'est-à-dire que tu as fini de consommer ce qui s'y trouve, tu les jettes et tu t'en débarrasses, et il n'y a rien sur toi comme péché du fait d'avoir ces choses-là dans ta maison. Et Allah Azzajal a dit dans le Coran Al-Karim, et craignez Allah comme vous le pouvez. Ensuite, la deuxième question que j'ai posée à notre noble cheikh, hafidhahullah ta'ala, est concernant le fait que si une femme décède et qu'elle avait des jours de Ramadan à rattraper et qu'elle ne les a pas rattrapés avant son décès, est-il permis pour son fils de nourrir des pauvres de nourrir un pauvre pour chaque jour qu'elle n'aura pas jeûné de Ramadan? Le cheikh a expliqué, hafidhahullah, que si cette personne est décédée avant de pouvoir rattraper les jours de Ramadan qui lui incombait de rattraper et qu'elle a eu la capacité, c'est-à-dire qu'elle a eu l'opportunité de pouvoir jeûner, alors un de ses descendants, un membre de sa famille, jeûne pour elle. Et si elle fut empêchée par la maladie, c'est-à-dire que dès la fin du Ramadan, elle a été dans une circonstance qui a été continue, c'est-à-dire qu'à partir du moment où elle a rompu son jeûne de Ramadan, qu'elle a manqué des jours de Ramadan, et qu'elle a été dans une circonstance relative à la maladie, par exemple, qui a duré, et que cette maladie l'empêchait de rattraper ses jours de jeûne, et qu'elle a été dans une circonstance qui l'empêchait de rattraper ses jours de jeûne jusqu'à ce que la mort survienne, elle est excusée et on n'a pas à jeûner pour elle. Non. Et le cheikh a dit, hafidhahullah, que donc ses enfants peuvent se répartir et se partager les jours de jeûne qui lui incombaient de jeûner. Ça, c'est si elle était dans une circonstance où elle avait l'opportunité de rattraper et qu'elle ne l'a pas fait, et que donc elle a une dette envers Allah, et que donc ses enfants s'en acquittent pour elle. J'ai ensuite posé la question au cheikh, est-ce que celui, par exemple son enfant, qui doit rattraper et qui veut rattraper les jours pour sa mère décédée, est-ce qu'il se doit de les rattraper de manière continue, c'est-à-dire d'enchaîner les jours qu'il doit jeûner pour elle de façon continue, ou est-ce qu'il peut les dispatcher? Le cheikh a dit qu'il peut les rattraper de façon continue, c'est-à-dire enchaîner les jours de jeûne, ou les dispatcher, ceci est à sa discrétion. Ensuite, j'ai posé une question au cheikh concernant la médisance. J'ai questionné le cheikh hafidhahullah ta'ala en lui disant, si je mentionne à quelqu'un, je discute avec un individu, et je mentionne une troisième personne, une tierce personne, et je critique cette personne-là en mentionnant ses défauts, et que cette personne à qui je m'adresse, qui ne connaît pas la troisième personne qui fut mentionnée dans la discussion, me dit, tu as fait de la médisance. Parce que j'ai mentionné cet individu qu'il ne connaît pas, et dont je n'ai pas mentionné le nom, mais dont j'ai mentionné les défauts. Et il me dit que j'ai fait de la médisance. Est-ce que ceci est vrai? Le cheikh hafidhahullah ta'ala a mentionné une règle. Une règle qui mentionne, il n'y a pas de médisance concernant l'inconnu. C'est-à-dire que donc, tant que la personne mentionnée est inconnue, yani à la personne yani devant laquelle elle est mentionnée, alors ce n'est pas considéré comme étant une médisance illicite. Cependant, il dit, mais malgré tout, ce propos est un propos qui est futile. C'est-à-dire qu'il est un propos qui est inutile. Ensuite, j'ai questionné le cheikh concernant un de nos frères bien-aimés, hafidhahullah ta'ala, parmi les résidents de Montpellier, qui est un adepte de la sunna, qui s'est vu octroyer de la part d'Allah une fille il y a quelques jours. J'ai donc demandé au cheikh quelle était sa recommandation à ce frère concernant l'éducation de cette fille et quelles étaient les règles relatives au nouveau-né. Le cheikh hafidhahullah ta'ala a expliqué que si le nouveau-né est donc une fille, alors le père doit accomplir l'aqiqa, c'est-à-dire qu'il sacrifie un mouton, yani par rapport à sa fille. Bien entendu, il sacrifie pour Allah, na'am, et c'est un rite légiféré par Allah tabaraka wa ta'ala à travers la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, que si on a une fille, on sacrifie un mouton. Na'am. Ensuite, il en consomme, il en donne, il en partage, il en donne en aumône. Il le distribue. Ensuite, parmi ce qu'il recommanda de faire vis-à-vis de sa fille, c'est de choisir un beau nom, parmi les noms bénis, des noms qui sont dépourvus de toute connotation péjorative. Na'am. Et qu'il peut choisir parmi les noms des gens de piété, parmi les pieux prédécesseurs de cette communauté, parmi les noms des femmes qui étaient connues pour la piété. Et qu'il octroie une bonne éducation à sa fille, qu'il l'éduque sur le Coran et la Sunna, sur la piété, sur la chasteté. Car le fait de s'occuper de sa fille et de bien l'éduquer, c'est une amana, c'est-à-dire que c'est une responsabilité, c'est un dépôt, c'est une responsabilité et qu'il a devant Allah Azzawajal et c'est une responsabilité qui pèse sur l'homme et la femme qui est la mère et qui est son épouse, l'aide et l'assiste dans le fait de s'acquitter de sa tâche qui est de bien éduquer sa fille. Et donc il l'éduque correctement sur la chasteté. À l'âge de 7 ans, il lui ordonne la prière, l'accomplissement de la prière. À 10 ans, il insiste avec assistance, na'am, avec des procédés de persuasion afin de s'assurer qu'elle accomplisse la prière. Et à 10 ans, ils sont séparés, c'est-à-dire les enfants de sexe différent sont séparés dans la couche. Et même les enfants du même sexe se sont séparés dans les couches. Na'am. Ceci est le résumé de la réponse du cheikh. Ensuite, la dernière question, en fait, il y a deux questions qui ont été abordées avec le cheikh hafidhahullah concernant une question relative au transport, c'est-à-dire le transport et la livraison. La question fut, quel est le jugement de l'emploi, du travail dans une société, dans une compagnie qui livre des colis, qui livre des documents et parmi les documents et les lettres qui sont transmises et transportées par l'employé, il y a des lettres qui servent aux banques, qui travaillent dans l'usure. Est-ce que ceci rentre dans l'entraide, dans le mal? Le cheikh hafidhahullah ta'ala a expliqué que ce genre de métier qu'il y a en Occident, en Europe, comme le fait de transporter ce genre de choses, des choses qui sont de l'ordre de la consommation de drogue ou de consommation de choses qui sont interdites et illicites en islam, ces choses-là sont illicites. On n'a pas le droit de s'entraider avec eux dans le mal. Et il mentionna que ceci, le fait de transporter ce genre de lettres qui servent et qui est une forme d'entraide avec les banques dans leur démarche et leurs interactions et transactions usuraires, ceci rentre dans le verset dans lequel Allah avait dit « Et ne vous entraidez pas dans le péché et dans la transgression. » Et donc il incombe à celui qui voudrait qu'il est dans ce travail-là, dans ce métier-là, une fois qu'il sait cela, il lui incombe de changer de métier. Et il mentionna le verset dans lequel Allah Azzawajal avait dit dans la traduction approximative du sens du verset la suivante, et quiconque craint Allah, alors Allah lui accorde une issue. Et je lui ai demandé ensuite, mais qu'en est-il du jugement de l'argent de ce travail? C'est-à-dire, si jamais la personne est au courant du jugement, et qu'il sait donc que ceci est illicite pour lui de le faire, mais qu'il le fait sciemment malgré tout, est-ce que son argent est considéré comme étant de l'argent illicite? Et est-ce qu'il est concerné par la déclaration de guerre qu'Allah a faite à l'encontre de ceux qui accomplissent les transactions usuraires? Le cheikh hafidhahullah ta'ala a expliqué que lui, il ne rentre pas dans ceux qui ont fait l'usure. Il ne rentre pas dans le jugement de ceux qui ont fait l'usure. Cependant, son argent est considéré comme de l'argent sale. C'est-à-dire que l'argent est né et il découle d'un emploi illicite, dont l'activité est illicite, de par l'entraide dans l'illicite, donc cet argent est illicite et sa consommation est illicite. Donc son acquisition de ce salaire lui est illicite, la consommation de cet argent lui est illicite, et cet argent, dans son jugement de base, est illicite. Et il ne convient pas pour le musulman de se nourrir avec de l'argent illicite. Donc avec ceci, nous avons fini notre traduction des propos du cheikh qui nous a octroyé dans cette assise du dimanche. Nous vous donnons rendez-vous, bi-idhnillahi azzawajal, la semaine prochaine, bi-idhnillahi azzawajal, afin de bénéficier du cheikh dans la suite de la poésie. Et si vous avez des questions à poser au cheikh concernant le contenu du cours ou des sujets qui n'ont pas de rapport avec le cours initialement, utilisez le chat de notre radio SNM Publication ou utilisez les réseaux sociaux, le Twitter de SNM Publication ou le Telegram de SNM Publication ou le mail de SNM Publication afin de poser vos questions, afin que vos questions soient transmises à notre cher Salim Bamahrez, bi-idhnillahi azzawajal. Hada wa subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.